Radiomatic. Don't Cette transmission 102 d'Audiomatique s'amorçait avec la chanson Girl in Amber de Nick Cave and the Bad Seeds, tirée de leur plus récent album Skeleton Tree, qui a été profondément inspiré par la mort tragique du fils de Nick Cave, survenu en juillet 2015. Mentionnons qu'une semaine avant le lancement de l'album, le 9 septembre dernier, le film du réalisateur néo-zélandais Andrew Dominik, intitulé One More Time with Feeling, relatant la création de l'album Skeleton Tree, est sorti en salle. Le brouillard est un phénomène naturel qui rend moins perceptible l'environnement dans lequel se trouve l'individu. Le brouillard est aussi un fait biochimique qui embrouille l'esprit d'une léthargie plongeant l'individu dans un état vaporeux, influençant sa disposition psychologique à l'existence. Et du brouillard peut également naître la création musicale, rendant volontairement flou l'environnement sonore construit par l'artiste pour refléter justement un état créatif qui embrouille les perceptions auditives du récepteur. Les sons ne sont plus aussi clairs. Les amalgames sonores ne sont plus aussi définis. Les couches synthétiques se superposent. Les mélodies deviennent lointaines et les voix sont distantes. Le projet Téléphone Tel Aviv nous inspire ces atmosphères vaporeuses. Voici sa pièce M.

sais, tout ça n'existe pas. Mes enfants sont les rois de la cité barbare. Et le poète ment, son temple est un désert où s'accrochent sur les murs les ronces de la colère. Nous terminions la séquence musicale avec le projet français Position Parallèle et la pièce Hôtel du Nord qui paraît sur son premier album éponyme paru en 2008. Position Parallèle, c'est le projet à tendance électro-wave mené par Geoffroy Delacroix, qui est aussi l'âme derrière le projet Dernière Volonté. Avant cela, nous écoutions une nouvelle pièce de l'artiste montréalaise Xaradion. Il s'agissait de Sillage et Caprice, pièce exclusive aux 7 pouces, tout simplement intitulée Split, du fait que l'autre face est habitée par un autre projet montréalais, soit Auto Mélodie. Soulignons au passage que Xaradion présentera le vendredi 30 septembre son nouvel album intitulé Fugitive, une présentation qui se passe au bar Le Ritz PDB, situé au 179 rue Jean-Talon-Est à Montréal. Et nous amorcions la séquence sur la musique de Téléphone Tel Aviv, le projet de Joshua Eustis et Feu Charlie Cooper. La pièce que nous écoutions, soit M comme la lettre, se retrouve sur le dernier album de Téléphone Tel Aviv intitulé Immolate Yourself, qui est paru au début de l'année 2009, soit seulement quelques jours avant le décès de Charlie Cooper. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Audiomatique en compagnie des électronistes et nous vous proposons à l'instant la musique de l'artiste anglais Joe Gallen. Surfing the waves on a boiling sea, trying to stolen, stolen, stolen. It's the free and the end, it's now. And I don't want to die right through your house. House of cards, surfing the waves on a boiling sea. Trying to redeem something stolen, stolen, stolen. It's not free and the end, it's now. And I don't want to plow right through your house. House of cards, surfing the waves on a boiling sea. Trying to redeem something stolen. It's not free. And the male answers with his own musky message. Précédemment, à l'exergue publicitaire, nous entendions à Audiomatic le duo israélien Violet Vision, qui depuis 2006 est devenu le projet solo de chez Raviv. Il nous présentait la pièce Cellophane, tirée de l'album Unfold, paru en 2003. Tout juste avant Violet Vision, il s'agissait de Gone Postal, le projet de Christopher McRae et Chad Jones, qui lui œuvre aussi sous le pseudonyme de Totem Plow. Nous avions droit à la pièce Crocodile Perfume, qui devait se retrouver sur l'album Croc Attack, qui n'a malheureusement jamais été produit. La pièce Crocodile Perfume est toutefois parue sur la compilation Economized de l'étiquette Economy Records. Et ce bloc musical était lancé avec la musique de Joe Gallen et sa chanson Uncertain, de son premier album « Four Triangles ». Le Britannique Mark Lawrence nous offre, grâce à son projet Mala, sa vision du métissage entre la musique électronique et la culture musicale péruvienne à travers son tout nouvel album « Mirrors ». L'artiste a passé un mois à sillonner le Pérou à la recherche des traditions musicales et durant son périple, il a enregistré et échantillonné des sons et des musiques de ce pays pour ensuite s'en laisser inspirer pour composer l'album qu'il nous présente en 2016 et duquel nous entendons dès maintenant la pièce « Shadows ». C'était le projet Recondite et la pièce Sultry de son premier album intitulé On Acid, paru en 2012. Et avant Recondite, c'était Mala et sa pièce Shadows qu'on retrouve sur son nouvel album Mirrors. Les électronistes doivent bientôt tirer leur révérence et ils vous quitteront avec la formation australienne Discordia et la pièce Amazia de leur album Living Dead. La transmission 102 prendra donc fin dans les prochaines minutes, mais les choix musicaux que les électronistes se plaisent à mettre de l'avant chaque semaine sont imprégnés dans l'univers infini du web. En vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou, c'est possible d'accéder à toutes les anciennes transmissions d'Audiomatique. Et nous vous donnons rendez-vous, comme à l'habitude et pour une période encore indéfinie, à nous joindre les mercredis dès 17h pour entendre en direct la musique que nous nous plaisons à vous faire entendre. Voici, comme convenu, le groupe Discordia et leur composition Amazia. Nous espérons que vous apprécierez et nous vous souhaitons une agréable semaine. Set in front of a television set, they watch one murder after another, they'll become more violent. And this nation is now the most bloody nation on the face of the earth because we baptized our minds in a series of rapes, robbery, and violence on television. The parent is now coming to the counseling center saying, my child can't sleep. Why? The reason is you're allowing your children to watch horror shows and allowing your children to watch children's videos that have demonic characters who are born in the bowels of hell with a spirit of fear, and the spirit of fear invades the mind of your child. You need to turn that television off and sit down and read the Word of God with them and pray for them and claim them for the kingdom of God. Somebody rape his own sister without a ring in his neck, kicking him in the teeth. Okay? It's a very Christian thing to do, my friend. All right, bless your heart. I hope that helps you, Brian. We hope that you can change and become a man someday. Left home. We didn't know where he was for 6 weeks. We went to the streets, the gutter of Austin, Texas, and found him living there like an animal. He was so completely changed. His hair was dyed black and stood on the top of his head, just straight up. This area was all shame. In the back, it looked like the very, very face of Satan etched in the back of his head. His fingernails had grown out this long, cut to an extreme point and painted black. He had draped his body in black material, and on his fingers and on his feet were signs of what we had been battling the last year in our home, death itself. Skulls and bats and snakes. We said, there ain't no way. We're not gonna take that report. Matthew, come up here, brother. Come up. I want you to see my boy. Saved, delivered, and full of the Holy Ghost. Love.